J'ai presque peur. J'ai presque peur, en vérité, tant je sens ma vie enlacée à la radieuse pensée qui m'a pris l'âme l'autre été. Tant votre image, à jamais chère, habite en ce cœur tout à vous, mon cœur uniquement jaloux de vous aimer et de vous plaire. Et je tremble, pardonnez-moi d'aussi franchement vous le dire, à penser qu'un mot, un sourire de vous est désormais ma loi, et qu'il vous suffirait d'un geste, d'une parole ou d'un clin d'œil, pour mettre tout mon être en deuil de son illusion céleste. Mais, plutôt, je ne veux vous voir, l'avenir dût-il m'être sombre et fécond en peine sans nombre, qu'à travers un immense espoir, plongé dans ce bonheur suprême, de me dire encore et toujours, en dépit des mornes retours, que je vous aime, que je t'aime.